tu demandes de dresser des pierres, de les enduire de chaud, d'y écrire toutes les paroles, pour que personne ne dise je ne savais pas moi. Un hôtel est bâti sur la montagne, sans fer, sans ornement humain, juste la pierre brute et le sacrifice, face au ciel, face à ta main. Tu veux que ta parole soit visible et proclamée. Grave ta loi sur nos cœurs, pas seulement sur la pierre. Que nos vies deviennent des stèles vivantes, dans la vallée comme sur la terre. Grave ta loi sur nos cœurs, que nos amens soient vrais quand tu appelles le mal par son nom. Et la vie par ce qui te plaît. Les tribus se placent de chaque côté, bénédiction et malédiction proclamées. Et à chaque parole, le peuple répond amen devant la vérité. Tu rappelles ce qui détruit dans l'ombre l'idole cachée, l'injustice, le mépris. Tu refuses que l'on bâtisse la maison sur le dos de ceux qu'on a trahis. Pas seulement sur la pierre, que nos vies deviennent des stèles vivantes, dans la vallée comme sur la terre. Grave ta loi sur nos cœurs, que nos amens soient vrais quand tu appelles le mal par son nom. Et la vie par ce qui te plaît. Devant ta parole, ne sois pas que des mots, mais des chemins.